Bonsoir, très peu chers auditeurs et connards de ce monde. Ce soir à Réanimation, il nous fait grand plaisir de vous présenter une programmation remplie de choses toutes plus intéressantes les unes que les autres. Bon, peut-être mis à part la météorographie de ce mois-ci, qui soit dit en passant est un choix saugrenu de votre humble serviteur et simple d'esprit Sinistros. Mais ne vous en faites pas, ce ne sera qu'un mauvais moment à passer, en fait pour moi. Je l'espère. En outre, ce segment, vous pourrez entendre en primeur pour une émission radiophonique du Québec l'entrevue réalisée il y a quelques semaines avec les membres du groupe hollandais de Supreme Avant-Garde Death Metal, The Monolith Death Cult. Ceci dit, sera une autre édition du Undead Incorporated Show très, très remplie. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsque le médecin est bon, mais que l'assistant défait tout. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated because we said so. Let's go. Oh, wounds, they catch my scent. They yearn for my blood, warm and fresh. But no, I don't. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 19 février de l'an de disgrâce 2019. Je suis le Dr. Pendragon et je serai pour vous accompagner jusqu'à 21h métalliquement parlant avec ce tombeur de ces dames passées date, Sinistros. Oui, très passées date. C'est comme ça que tu les aimes. Ben oui. Évidemment. Un peu juteuse, là, c'est vrai. Poisseuse à souhait, voilà. Comment vas-tu? Ben, c'est quand même pas si pire malgré... L'acharnement de Dame Nature. Oui, cet hiver qui nous pourrit carrément la vie. Ah, c'est un peu pénible cette année, je dois en convenir. Mais ce soir, c'est quelque chose de spécial. Oui, parce qu'on est là. Oui, puis c'est une des rares fois qu'il fait quand même pas pire un mardi soir. Oui, c'est vrai, t'as raison, Sinistros. C'est comme une malédiction qu'on a que c'est autant. Même l'été. Même l'été, c'est ça. Les mardis sont les dates arrêtées pour le mauvais temps. C'est ça. Sauf quand il n'y a pas de radio. Effectivement. C'est ce que je pourrais qualifier, effectivement, comme je le disais, de malédiction. On vient d'entendre à l'instant, comme premier bloc d'ouverture de cette édition du Undead Incorporated Show, à l'instant, de Suel Witchery et la pièce Nosferatu, qui est tirée du 6e album et qui, selon moi, est jusqu'à présent celui que je préfère, mais pour moi le meilleur, In His Infernal Majesty Survives, et qui est paru le 25 novembre 2016 sur Century Media. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur album de Witchery. Ben, pas moi. Non. Toi, non. C'est lequel, toi? C'est l'avant-dernier ou l'autre avant? Witch Creek. Witch Creek, ouais, très bon Witch Creek aussi. Mais j'y trouve un petit quelque chose à ce Is an Infernal Majesty. Celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé. T'es-tu sérieux? Ouais. Je trouve que ça sonne trop. Trop commun, trop comme les autres bandes de pseudo-black. Dans ces bouts-là. T'sais, ça sonne un peu comme. Guatain ou comme un peu de Legion of the Dam, un peu de. C'est comme ça. OK. Ben, ton analyse a toujours été douteuse, faut dire. Je sais. Mais oui. Juste avant de la British. New Wave of British. V-Metal, Venom d'Angleterre et Cry Wolf, qui était tiré de ce troisième album paru le 16 avril 1984 sur Neat, soit At War with Satan, qui se voulait aussi, d'une certaine façon, un des premiers albums metal conceptuels. Ouais. Parce que la pièce-titre, At War with Satan, prend la totalité d'une face du vinyle. 24 minutes, effectivement. Donc, c'était c'était pas mal du jamais vu dans le monde du métal. Effectivement. Ouvert avec Merciful Fate du Danemark, avec Black Funeral, qui est tiré de ce chef-d'œuvre, qui est le premier album Melissa, qui est paru le 30 octobre. Quelle belle date pour sortir un album, n'est-ce pas? 30 octobre 1983 sur Roadrunner, c'est définitivement un album qui est classique dans l'histoire du métal. Ce soir, comme je l'ai dit en présentation, nous aurons la métallographie de ce mois-ci. Vous aurez pu noter probablement que nous sommes décalés d'une semaine. C'est bon. C'est pour vous mêler. On va continuer à vous mêler encore plus. Oui, effectivement, on ne changera pas notre séquence. Pour ceux qui avaient fait des X sur les calendriers, sur quelle émission écouter, ben, c'est tout mélangé. Ouais. On réserve une surprise pour la première du mois prochain. Donc, la métallographie ce mois-ci s'adresse à Accept, formation allemande. C'est un choix de Sinistros, comme je l'ai dit. Qu'on va voir dans, je dirais, peut-être une quinzaine de minutes. Mais avant, aussi, J'allais l'oublier. Des choses importantes. Un peu plus tard dans l'émission, nous aurons cette entrevue de 38 minutes et quelques que j'aurais réalisé avec les trois membres de la formation hollandaise Monolith Death Cult. Entrevue que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et j'ai eu de belles révélations. Donc, on découvrira ça ensemble tout à l'heure. Mais tout de suite, Sinistros, ton premier bloc de la soirée se profile de quelle façon? Ben, c'est un petit bloc très doom à la méthode suédoise. Mm-hmm. Bien évidemment, il va y avoir du Candlemass, mais j'ai pris trois groupes qui sont comme interreliés. Avatarium, où c'est un membre fondateur de Candlemass, qui avait fondé le groupe Life Aid League. Mais maintenant, il n'est plus dans le groupe. Il chapeaute ça encore en arrière quand même. The Doomsday Kingdom, qui met en vedette Life Aid League, bien évidemment. Ben oui, membre fondateur de Candlemass. Et bien sûr, Candlemass, qui met en œuvre tous les membres de Candlemass, finalement. Donc Life Aid League. Ben voilà, la suite dans les idées, n'est-ce pas? Oui, alors on va entendre Avatarium avec The Starless Sleep. Tout de suite, à réanimation. Let's go. To the ground. It is late and the clouds gather round.

Avatarium, on a débuté avec Avatarium avec The Starless Sleep, c'est paru sur Hurricane of an Allos, pardon, qui est paru le 26 mai 2017, également sur Nuclear Blast. Voilà, on s'attaque sans plus attendre, parce que l'émission, comme je l'ai dit, est très chargée, à la météorographie de ce mois-ci, qui s'attarde à la formation allemande Accept, et doit-on dire de véritables pionniers dans le genre, puisque initialement, le groupe a débuté sous le nom de Brand X en 1968. Effectivement. Jusqu'à 76. Donc, pour prendre le nom d'Accept en 76, mais c'est pas rien, ça, là. C'est pas rien. Donc, ils sont venus au monde presque en même temps que Judas Priest et Black Sabbath et compagnie. En même temps que Black Sabbath, effectivement. C'est ça. Tu sais que j'ai vu Accept une fois. Une seule fois. Je les ai jamais vus en show. Je les ai vus dans les années 80, l'ouverture de Motley Crue. C'était pas Balls to the Walls, si je me trompe pas. C'était Balls to the Walls, oui. Et ils avaient littéralement, pensez-moi l'expression, mais torché Motley Crue. Volé le choix, c'est ça. Oui, oui. Mais pour avoir aimé ça un moment à cette époque-là, aujourd'hui... Donc, je sais que t'es pas un très grand fan de ça. Ben, écoute, honnêtement, je préfère maintenant ce qu'ils font avec Tornado. Oh oui. Beaucoup. C'est un autre genre. C'est un autre genre, mais je trouve que c'est bien. Moi, j'aime beaucoup Udo. J'aime beaucoup Tornado aussi. C'est deux différents, mais ouais. Qui se rejoignent quand même un peu l'un l'autre. Ben, moi, je trouve que Udo est un peu trop nasillard dans mon goût. Ouais, un peu. Un peu. Mais, bon, je dénigre pas ce qu'ils ont fait. Ça vient juste pas me chercher. Mais moi, je suis un très grand fan de Wolf of Man en tant que tel. Ouais, ça, je sais ça. Ouais, ça, c'est un de mes guitaristes préférés. Puis, tu sais, le type de riff qui composait avec le style de musique classique qui est embarqué à un moment donné au fil des pièces. C'est vraiment cool. Là. Ben, je conviens que Hoffman est un bon musicien. C'est un musicien de temps finesse, effectivement. La météorographie, comme on l'a déjà expliqué, ben c'est évident que dans le cadre d'une quarantaine de minutes ou 43, 44 minutes dans le cas présent, on ne s'attarde pas à tous les albums du groupe. Non, on laisse passer ce qui est moins bon, comme dans le cas d'Accept. L'album Eat the Rich avec, je ne me souviens plus son nom, mais ça vaut même pas la peine d'en parler. Ben, écoute, moi, honnêtement, je te dirais que je les aurais tous laissés passer, peut-être à part Blood for Nation. Non, il y a des bons trucs, là. Mais comme je disais, on peut pas s'attarder à tout. On y va sur des faits qui nous apparaissent être plus saillants au niveau de la discographie. Oui, c'est ça. J'ai eu le boulot, le sale boulot de m'occuper de la première partie d'Accept, si on veut. Parce que je dois l'avouer, Sinistros connaît beaucoup plus le groupe que moi. Alors, moi, j'ai inventé des titres pour des pièces qui n'ont aucun rapport avec Accept. Non, t'en plaît ça, il y a une tourne de Judas Priest, il y a tout un pot de l'écrou, là. On va passer tout de suite avec la première partie de cette métallographie, comme je disais, que j'ai préparée avec... avec le plus de soins possible, bien entendu. T'as très bien fait ça. Vous êtes vraiment, Monseigneur. Oui, t'as très bien fait ça. Formation qui vient du North Rhine-Westphalia, en Allemagne, bien sûr. Débutons avec une pièce tirée du premier album qui est paru le 16 janvier 1979, soit Accept. Avec Sons of War, on va poursuivre ça avec Do It, qui est tiré d'I'm a Rebel, le deuxième album paru le 2 juin 1980. Burning, tiré de Breaker, le troisième, 16 mars 1981. Comment ça semblait plus métal? Là, on commençait à tomber dans quelque chose que j'aimais. Là. Ouais. Bien sûr, l'incontournable Fast as a Shark. Bien évident. Ben oui, qui est tiré de Restless and Wild, qui était le quatrième album paru le 4 octobre 1982. Et ma première partie va se conclure avec London Letter Boys, qui est tiré de Balls to the Walls, cinquième album du 5 décembre 83, qui, doit-on dire, a fait un sacré tabac. Eh oui! Donc, de ce pas, première partie de cette métallographie sur Accept. Go. Let's go! We'll be right back. vous allez écouter l'animation sur les ondes du 89.1 FM. Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot. Le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions pis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout. Édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. L'Association générale des étudiants de l'UQTR vous invite à sa prochaine tribune libre mettant en vedette le philosophe Alain Deneau. Auteur de Paradis fiscaux, la filière canadienne, M. Deneau présentera une conférence intitulée « Université, privatisation et médiocratie » et il parlera de la marchandisation de la communauté étudiante. Cette tribune libre aura lieu le jeudi 28 février prochain de 17h à 19h à l'UQTR au 1200 Albert-Tessier. Activité en entrée libre. Fou de palmarès. 89.1. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation The Undead Incorporated Show en compagnie de ce Sinistros et de ce Docteur, et ce jusqu'à 21h. On vient d'entendre avant la pause publicitaire la première partie de cette métallographie qui s'adresse à Accept ce mois-ci, formation allemande. On vient d'entendre de leur cinquième album Balls of the Walls, la pièce London Letter Boys, qui est paru en 1983. Soit le 5 décembre sur RCA. Juste avant, Fast as a Shark, c'est un incontournable d'Accept, évidemment. C'était, je me rappelle parfaitement, en 1982, lorsque cet album-là est sorti, ce qui me rajeunit pas du tout. Quoi qu'en 1982, moins 666 ans, je suis encore jeune, moi. Non, c'est en plein ça. J'avais été... En fait, moi et mes camarades de l'époque avions été subjugués par Fast as a Shark. On est tombé sur le derrière. Et c'est comme je disais à Sinistros, hors onde aujourd'hui, bon, il n'y a plus rien là. Fast as a Shark, pièce d'ouverture de Restless and Wild. Le quatrième album paru le 4 octobre 82 sur Brain. Juste avant Burning, qui fait très rock'n'roll à la AC/DC. Tiré de Breaker, troisième album, 16 mars 81 sur Brain également. Et le premier album qui était sous étiquette Brain Records aussi. La pièce Do It, tirée de I'm a Rebel. C'était le deuxième album, par contre, pardon, qui était le 2 juin 80, et en ouverture, Sons of War, de l'album homonyme Accept, premier album paru le 16 janvier 79 sur Metronome Music. Je suis débarrassé. Tu sais que I'm a Rebel, le titre original, quand l'album est sorti, c'était Accept. Les deux premiers albums s'appelaient Accept. T'es-tu sérieux? Oui. Ah oui? Effectivement, puis c'est à un moment donné, quand il y a eu comme des rééditions, parce que ça n'a pas sorti avec énormément de copies. J'imagine. Fait que quand ils ont sorti la deuxième édition de l'album, ils ont changé la pochette puis ils ont indiqué « I'm a Rebel » dessus. Ah, ben, c'est un peu logique. C'était peut-être mêlant un petit peu aussi, là. Ben, c'était peut-être pas une bonne idée, là. Effectivement. Donc, ben, c'est ça. Toi, tu te proposes de nous passer la deuxième partie de, la, de cette discographie. Ben oui, mais alors que Restless and Wild donnait le ton à ce, que, à ce qui allait suivre, Balls to the Wall, là, comme grimper dans les charts, c'est pas mal. Ça a été un album quand même... très populaire. Très, très populaire et très, tu sais, qui a donné le ton... s'entend, Sinistrose populaire dans le monde du métal. C'est ça. Ça passait pas à radio commerciale. Balls to the Wall, qui était le cinquième album de... Accept. Le sixième album allait marquer un tournant inconsidérable dans le monde du heavy metal. Inconsidérable. Incontournable. Incommensurable. Incommensurable et... ça commence par... Et sirop d'érable. Sirop d'érable, c'est cela. J'avais dit quoi, moi, là, comme mot? Inconsidérable. C'est inconsidéré de ma part. C'est cela. Alors, Metal Heart, sixième album, montrait des passes de classique. Wolf Hoffman, qui était un grand amateur de musique classique, justement, qui maintenant fait des albums solo, qui revisite des grands compositeurs en version métal. Metal Heart commence avec un début de Rachmaninoff, avec, je ne me rappelle plus du titre, mais bref. Puis avec le fameux solo de Fur Elise de Beethoven. Oui. Alors, on va y aller tout de suite avec Metal Heart. Ça sera suivi de TV War, qui est paru sur Russian Roulette. Russian Roulette qui a sonné le glas à Accept. Udo il est parti après. Ils ont composé des tunes pour son album solo. Ils ont engagé un nouveau chanteur. Ils ont fait Eat the Rich, qui a été un flop monumental. Ça, je me rappelle. Ça, ouais. C'était à l'époque où ce que les bands ils voulaient tous devenir glam et on va faire la pièce. Même Celtic Frost a eu cette stupidité-là. On va revenir en 1993 avec la réunion du groupe avec l'album Objection Overruled. Ils en ont sorti trois avec Udo. Les deux autres après sont pas vargeux. Ils s'en retournaient vers d'autres choses un peu bizarres. Ils cherchaient peut-être un peu. Ils se cherchaient effectivement. Ça a vraiment... Ça allait foirer. Le groupe est revenu avec Blood for the Nation. Ah, ça avec c'est... Mark Tornillo en 2013. C'est excellent. C'est pas 2013, il me semble que c'est 2010. Non, je vais te dire ça tout de suite. Si je me trompe pas. Blood for the Nation. Si je me trompe pas, c'est 2010. Toi, là, tu te trompes tout le temps. Là. Ben, je sais. Mais c'est pas grave, ça. Je peux dire le contraire aussi, là. Blood for the Nation, c'est 2010, t'as 2010. Raison. Ben oui. J'avais dit de pas marquer 2013. Je sais, fait, écoute. J'ai laissé faire les deux albums par après qui étaient Blind Rage. Blind Rage, l'avant-dernier album, et l'autre avant, c'était Stalingrad, Brothers in Death. Parce que dans le fond, ça donnait rien de mettre un paquet de tunes avec Mark Tornillo. Puis j'ai terminé avec Rise of Chaos, qui est paru en 2017. Fait qu'allons-y tout de suite, Metal Heart, qui est sorti de l'album éponyme en 1985. Let's go! Thank you. Yeah! 20h33. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show, et ça jusqu'à 21h. On vient d'entendre la deuxième partie de cette métallographie qui s'adressait à Accept. Oui. Qui était le lot de Sinistrose. Bien, en tout cas, c'est un lot. C'est un fardeau. Non, c'est même pas un fardeau. Ben, moi, oui. Pas pour moi. Accept avec la pièce Die by the Sword qui est parue sur le dernier album de Rise of Chaos. C'est paru le 4 août 2017 qui marquait le quatrième album avec Mark Tornio au vocal. On a eu Teutonic Terror qui est paru le 20 août 2013, 2010 pardon, sur Blood for the Nation qui était le premier album de grand retour de Accept. Mm-hmm. Avec Mark Tornio. Et le 12e de la discographie. Oui, et le 12e de la discographie. Et qui marquait un refus de Udo Dirkschneider de revenir avec la formation pour un paquet de raisons évoquées. Dans... Ben, c'était pas tout à fait de l'ego. C'était. Non, c'était pas des Lego d'abord, c'était quoi? Non, c'était des méga blocs. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça. Udo, qui avait vécu un retour en 1993, dans les années 90, un petit peu plus difficile, le Wolf of Man et Peter Baltes, il voulait s'en aller vers d'autres choses. Puis même qu'après quelques albums, il voulait tasser Udo de là, puis tu vas chanter ça. Udo disait, écoute, moi j'ai mon band, c'est EV, ça fonctionne, puis c'est ce que je veux faire. Fait qu'il est parti. Puis finalement, il a refusé de revenir avec Accept pour possiblement qu'il avait peut-être peur que ça dérape encore. Mm-hmm. Ce qui n'est pas arrivé en fin de compte. Probablement qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans aussi de la part de Wolf of Man qui s'est dit peut-être des caves un petit peu. Wow, ben là, hein? Objection Overruled, pièce titre de l'album qui est paru le 1er février 1993. Marquait un retour de la formation presque originale de Accept. Je veux dire que le noyau Hoffman, Dick Schneider et Baltes, avec un autre drummer qui était Stéphane Schwartzman. Schwartzman qui a joué avec Udo et qui a joué sur les premiers albums d'Accept avec Tornio. 9e album. On a eu TV War qui est sorti sur Russian Roulette, qui est paru le 21 avril 1986. Très bon album qui a finalement marqué le glas de Accept. Udo, il est parti après cet album-là. Les gars, ils ont composé un album spécialement pour lui. C'était carrément du Accept qui était Animal, je sais plus quoi, là. Je vais aller vérifier. Et il s'est engagé un nouveau chanteur, puis il s'en allait vers une espèce de glam metal un peu poche. Ça a planté et le groupe s'est séparé par la suite. Et on a commencé le bloc avec la classique Metal Heart qui est parue sur l'album du même nom. C'est paru le 12 mars 1985 où Accept incorporait des pièces du classique. Entre autres, Rachmaninoff et Beethoven. Eh bien, voilà. Vous avions annoncé, nous avions fait la promotion de la diffusion de l'entrevue avec The Monolith Death Cult. On doit malheureusement vous dire qu'elle ne peut pas être présentée ce soir. Non pas parce que les gars sont pas présentés. Non, parce que la notion du temps des réanimateurs fait dur en titi. Oui, nous avons carrément mal évalué ou en fait mal calculé cette entrevue qui dure 38 minutes et comme il est maintenant 20h36, il était possible pour nous de la passer en son intégralité. Mais on peut peut-être la passer vite. En accéléré, quelle bonne idée. Et de ce fait, elle ne pourra pas faire partie intégrale de ce qui sera le podcast de réanimation. Donc, nous allons la reporter à la semaine prochaine. On s'en excuse. C'est une entrevue que vous auriez probablement apprécié beaucoup ce soir, mais vous allez l'apprécier la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on va couper des blocs qui étaient déjà prévus. Exact. On va vraiment mettre notre temps là-dessus. On va se pencher sur notre temps d'antenne qui nous est alloué aussi. Effectivement. Il y a des fois, on a l'impression qu'on fait encore des émissions de 3 heures. Ben, c'est plus le cas, effectivement. Donc, on est désolé. C'est une reprise qu'on fera la semaine prochaine pour l'entrevue avec Monolith Death Cult. Vous la présenterez dans son intégrale. C'est 38 minutes total. Et c'est ça. Que voulez-vous qu'on vous dise de plus? Rien. Mis à part que pour se rattraper un petit peu, je vais faire une chronique cinéma que j'ai pas fait depuis avant les fêtes. Ça fait un bon bout. Effectivement. Ce qui est en salle actuellement, c'est la deuxième partie de Happy Death Day to You, qui est un film d'horreur qui met en vedette Jessica Roth, Isabelle Broussard et Fee Vu. Un film de Christopher Bill Enden, qui est en salle depuis le 15, soit vendredi dernier. Je ne peux pas vous dire de quoi ça a l'air. Le premier était tout assez moyen. Voici ce que j'aurais écouté principalement dans les dernières semaines, voire derniers mois. J'ai écouté le film The Possession of Anna Grace. Un film d'horreur, bien sûr, de possession. Dans ta passe, ça me surprend tellement. Oui, effectivement. génère un intérêt pour ce genre de film-là. Eh bien, ici, je vais vous en faire le court résumé que j'en ai fait. The Possession of Anna Grace, un film d'une durée d'une heure 25 et qui m'en aura paru le double. Une idée de scénario qui aurait pu être intéressante, mais mal ficelée, qui se résume au final par une production lente, longue et ennuyante. Voilà. J'aurais écouté la première partie de la 9e saison de The Walking Dead. Chose à laquelle je crois que tu as décroché. J'ai arrêté après 6. Bon, eh bien, la neuvième saison, première partie, est excellente, elle est très bonne. Ça vaut la peine. Il me reste maintenant à espérer que la deuxième partie, qui a recommencé il y a peu de temps, sera à la hauteur de cette première partie de 9e saison. Et il y en a une 10e d'annoncée. Bon, peut-être qu'il va y avoir de la redondance, sait-on jamais. Est-ce que tu as vu la 2e saison du Punisher? Bien sûr. Et comment as-tu trouvé cela? Ben moi, j'ai trouvé ça excellent. Excellent? Ben excellent. C'est sûr que c'est lent un peu, mais... Excellent. Oui, excellent. Ah, et voilà. Non, je trouve ça très bon. Ben moi, j'avais adoré la première. Cette deuxième, j'ai aimé les deux premiers épisodes et les trois derniers. C'est plus psychologique. C'est beaucoup trop psychologique. Honnêtement, pour le personnage... Moi, je sais, toi, t'aimes les films de super-héros qui... Qui sont pleins de couleurs et qui sont... Non, c'est pas ça, Sinistro. C'est que c'est le Punisher. Oui. As-tu lu les bandes dessinées du Punisher? Oui. C'est un meurtrier. Ben oui. Il fallait qu'il en revienne un peu, là, de ses passes de maelstrom de pensée perdu dans les souvenirs de la perte de sa famille. C'est le Punisher. Puis on le voit juste à la fin avec son costume du Punisher. C'est un outrage au personnage. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mais ça reviendra pas de toute manière. Ça va revenir. Non, ça reviendra pas. Oui, John Bernthal a refusé. As-tu vrai? Oui, il a refusé de continuer le rôle. Bon. Ce qui est poche. Ben oui. Mais c'était pas vilain, c'était correct, mais ça aurait pu être en 8 épisodes facilement. Il y a eu beaucoup de longueur, à mon goût. Effectivement. Et de ce que j'ai pu lire, les gens semblent avoir eu la même opinion que moi. Un film surprenant auquel je ne m'attendais absolument rien de plus que quelque chose d'ennuyant et qui était fort le contraire, le film Polar, qui est un... Je ne l'ai pas écouté encore. Avec Mads Mikkelsen, ouais, et Catherine Winnick, qui est la Gerta, oui, dans Vikings. Ben, c'est très bon. C'est très original, c'est très violent, mais c'est très, très, très original comme film. Je l'ai mis dans mes favoris sur Netflix. Ouais, t'as bien fait. Tu sais que c'est basé sur une bande dessinée. Ouais, je pense que oui. Mais c'était très bien adapté au niveau du graphique cinématographique. Ça fait vraiment bande dessinée. Donc, c'est Polar, c'est un film qui est assez intéressant si vous aimez le genre action-crime, là. C'est joue-dur par moment. Un film en quel j'avais énormément d'attentes, qui ne m'a pas vraiment déçu, mais qui a été en dessous de ce que j'aurais cru, c'est Overlord. Pas vu, t'as pas entendu parler d'Overlord? Pas du tout. C'est à la veille du débarquement de Normandie, bien sûr, lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un groupe de parachutistes qui est largué en France, qui est occupé. Et alors qu'ils luttent pour accomplir ce qui est une mission qui semble-t-il est impossible, soit détruire l'antenne qui permet aux Allemands d'émettre différentes factions, ouais, eh bien, ils tombent sur un laboratoire où des expériences abominables sont faites pour la résurrection des morts. C'est le fun. En fait, tu sais que, historiquement parlant, le Troisième Reich, sous le commandement d'Himmler, a fait énormément de recherches, de fouilles et d'expériences à connotation très ésotérique, voire paranormale, pour être capable d'aller chercher des puissances qui viennent de l'au-delà pour permettre au Reich de devenir le Reich millénaire, indestructible. Et de là, on a découlé de tenter, et c'est éprouvé scientifiquement, et historiquement surtout, ils ont tenté de faire des expériences pour ramener les soldats morts à la vie. C'est vrai. C'est un peu ce qui se passe là-dedans. C'est bon, c'est bien fait, il y a des scènes assez épouvantables. Par contre, on aurait pu lui soustraire facilement un 20-25 minutes. Il y a certaines petites longueurs, puis un petit semblant d'histoire d'amour qui n'a aucunement sa place là-dedans. Mais Overlord, somme toute, c'est un film qui est correct. Voilà. La semaine prochaine, je vous parlerai de la deuxième partie de cette 5e saison de Vikings. On pourra peut-être pas parler parce qu'on va manquer de temps. T'as raison. Peut-être que j'en parlerai pas. Mais je vais en parler éventuellement. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec un de mes courts blocs qui avait été prévu, en fait, pour le temps qu'on n'aura pas. Un backup. Dans lequel on va entendre Entombed Hades et Bolt Thrower. Let's go.

20h51, l'émission tire vraiment sa fin. On vient d'entendre la formation anglaise Bolt Thrower et Embers, tirée de Fort Crusade, le quatrième album paru en octobre 92 sur E-Rake. Et nous avons ouvert ce bloc avec Entombed AD de Suède et Waiting for Death, tiré de leur premier album sous le nom de Entombed AD, bien sûr, Back to the Front, paru le 4 août 2014 sur Century Media. Cette voix sinistrose qui incomble de fermer cette édition de réanimation. Oui! Une édition qui s'est passée quand même sans trop de Nick Rush. Ben, tu parles au niveau de nos interventions ou... Au niveau de tout. Non, musicalement, je suis moins d'accord. Va te faire foutre quand... Quand j'aurai le temps, oui, je te promets. C'est cela. Eh bien, étant donné que c'est moi qui a la lourde tâche de terminer cette émission, on va suivre ton bloc. On va y aller avec du gros death metal, pas gentil. Oui. Asesino, de la Californie. Dino Cazares. Avec Dino Cazares. Avec la pièce Regisando Odio. C'est paru sur l'album Cristo Satanico. C'est le deuxième album, paru le 18 juillet 2006. C'est paru sur Cool Arrow. Il y a un album en préparation qu'on devrait voir aux alentours de juin 2019. D'accord. Ça fait longtemps, 2006. Oui, quand même. Puis on va terminer avec Cannibal Corpse. Hi, ça, c'est rare que tu nous programmes ça, toi. Moi, oui. Oui. To Decompose, c'est paru sur le 11e album Evisceration Plague, qui est paru le 2 février 2009. Premier album qui m'a vraiment accroché de Cannibal Corpse. Tu vois? Oui. Ah oui? Puis j'ai vraiment... Le trip death metal s'est fait avec cet album-là. C'est mon déclic. Mm-hmm. puis depuis ce temps-là, ben, j'aime bien ça. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas vraiment le death metal qui ont apprécié cet album-là. Ça se peut. Oui. Oui, tout à fait. Ça se peut très bien. On vous rappelle que mardi prochain, nous serons là à 19h pour une autre édition de réanimation avec cette fois-ci. Ben oui. S'il fait beau. Espérons-le, là. On doit avoir un bout à tout à cette température-là. Là. Moi, je te l'ai dit. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit plein de choses. On l'espère le baseball, puis on met du hockey à la place l'hiver. Puis on fait l'émission l'été. On fait l'émission l'été. Donc, avec la programmation de l'évolution métallique, entre autres, si tout va bien, présentation du premier album EP de Tribes of Pazuzu, ainsi que la présentation de l'entrevue avec Monolith Death Cult, enfin, espérons-le. Si on a du temps. On va trouver le temps pour le faire, définitivement. N'oubliez pas que cette semaine, ici même, c'est fou, dès 11h ce vendredi, pour les vrais amateurs de vrai rock, c'est rock classique, avec notre ami Alain Lefebvre. Et n'oubliez pas aussi d'écouter la diffusion de Subversion, avec notre ami DJ Tower of Death, c'est aux deux semaines. Rediffusion sur C'est fou le vendredi après réanimation, sur SoundCloud aussi. Et le blog de Sinistro sur lemort.com. On termine avec les choix de Sinistro, c'est sur ce. Allez tous vous faire foutre. Comment tu dis ça? Allez tous vous faire foutre. Let's go. Dude! Pour la terrasse à recouvrir le skin. Corrigez la vie, mais c'est tout épais. Scalas contre vous, c'est pas un enfant. Tu dis qu'on rose. Brille les matins qui seraient les plus forts. Sugar was a born of peace, never to slide. Seven hated for more than a world of lies. Thinking on the internet out of every single course. Think about the sun always move on. Fascination with thought, both more brutally dissolved. Constant threat of killing all he sees. Revenge always gets involved. Morbid inclination marks his mind. Terror saturates his eyes. Overseed decimation feeds his mind. Storm heat for the next attack. Cadaver for garbage and fatherland. Methodically empty the murder blood. Left to be warm with the dirt again. To decompose, it all will end in the dirt again. Left to be warm with the dirt again. It all will end in the dirt again. Left to be warm with the dirt again. To decompose, it all will end in the dirt again. Sugar for the moon of peace, never to slide. 784 more than the world declines. Thinking on the internet of every single cause. Thinking about the sun always to run.